la main au collet. Quand Faustine, mûrissante, se retourne sur cette période bien particulière de sa vie, c'est à ce vieux film d'Alfred Hitchcock qu'elle pense. Il suffirait d'échanger la grande corniche contre la route Napoléon et le Negresco pour un palace suisse, mais tout le reste y est. La belle décapotable, la riviera, la mer, le ciel désespérément bleu et cette atmosphère de vacances toujours. Comment peut-on perdre sa vie à la gagner alors que tout incite au far niente? Mais revenons à nos moutons. Il est 19h ce vendredi quand Maxime dépose Faustine au petit parking qui surplombe Grasse en la gratifiant d'un « Ciao » à un de ses quatre. Elle a la tête qui tourne. Pas seulement parce qu'ils viennent de parcourir la route Napoléon à une allure démentielle, Max doit à tout prix rejoindre l'aéroport avant l'atterrissage de l'avion qu'il était supposé prendre, mais à cause des événements qui se sont déroulés ces 10 derniers jours. La grande parade du jazz de Nice pour commencer avec sa brochette d'invités d'honneur. Cette année, les vedettes sont Dizzy Gillespie, Count Basie et Dave Brubeck. Maxime, encombré de sa femme, a fortement encouragé Faustine à y aller de son côté si elle en avait la possibilité, sachant qu'elle n'aura plus l'occasion d'écouter de telles pointures de sitôt. Faustine a demandé à Jean-Claude de bien vouloir l'accompagner au moins une fois. Sur place, pendant qu'il photographiait à tout va, elle s'est allongée dans l'herbe, savourant le tube jazzistique du siècle, Take Five pour ne pas le nommer. Dave Brubeck se donne à fond au centre des arènes de Cimier. Il faut avouer que le cadre s'y prête à merveille. Les jardins plantés d'oliviers pluricentenaires, les vieilles ruines respectables, toutes tendances confondues, accueillent sans distinction de race ni de couleur les choristes les plus audacieux. Longtemps, Faustine a écouté Gillespie depuis les gradins, terriblement impressionnée par son extraordinaire vitalité et son humour fabuleux. Le lendemain soir, comme elle le lui avait promis, elle a accompagné son pote Jean-Claude au rallye d'Antibes. Ils ont servi café et jus de fruits aux équipiers, mécaniciens et participants. Jean-Claude, vengeance, négligence, n'a pas tenu sa promesse de ramener Faustine chez elle à une heure raisonnable, si bien qu'elle est à bout de force lorsqu'elle retrouve Maxime pour leur escapade. Les deux amants prennent la route de Castellane. Au bout de quelques kilomètres, Faustine demande grâce. Peut-elle s'allonger à l'arrière afin de dormir un moment? Mais bien sûr, s'exclame Maxime compréhensif, qui ira jusqu'à rabattre la capote de la Peugeot. Assisteront la jeune femme se réveillant, Maxime décide de s'arrêter. Main dans la main, ils se baladent le long de la Durance. Au loin, on perçoit les flonflons d'une fête foraine. Cédant aux suppliques odorants des saucisses grillées, les tourtereaux n'écoutent que leur bon cœur et leur estomac. Repus, ils continuent leur chemin, échappant aux barbes à papa peu pratiques dans une voiture ouverte. Gap, Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains à gauche, Lac d'Annecy à droite, et tout soudain la douane de Genève. Une petite heure encore et ils se garent devant l'hôtel Victoria sur les hauts de Montreux. Faustine attend discrètement dans l'auto que Maxime s'enregistre. Mauvaise surprise, sa dévouée secrétaire n'a réservé qu'une chambre simple. Fort opportunément, malgré la période estivale et le festival du jazz imminent, on peut leur en proposer une autre avec vue sur le lac. Maxime est ravi. Bousculant sa chérie sur l'immense plumard, il exulte. La chance sourit aux amoureux. Première chose à faire, après le lit, essayer la piscine. Totalement inconscient des règles de la bienséance, les amoureux descendent vêtus de leur seul maillot de bain, oubliant leur peignoir pourtant fourni avec les chaussons. Sans aucun égard pour les mémères emperlificotées assises sous la tonnelle, ils font la course avant d'aller se jeter à l'eau. C'est parti pour une semaine de réjouissance. Enfin, pour Faustine. Parce que Maxime, lui, va à la mine, si on peut appeler cela ainsi dans ces conditions, tous les matins. Il est ici pour présenter plusieurs papiers dans le cadre d'un congrès sur la compatibilité électromagnétique, sa spécialité. Pendant ce temps-là, sa maîtresse se prélasse dans le luxe. C'est qu'on s'y habituerait vite. Sitôt son amant éloigné, elle termine tranquillement son petit déjeuner avant de plonger dans un bain moussant. Puis, assise sur le balcon qui domine le Léman, elle se fait les ongles face au paysage le plus époustouflant qui soit. Un peu plus tard, habillée, pomponnée, elle emprunte le funiculaire qui relie Glion à Montreux, se promène au bord du lac, guigne dans les jardins du Palais des Congrès pour tenter d'apercevoir Maxime. Personne en vue. Poursuivant sa route, elle repère quelques magasins et s'enquiert des cadeaux que son ami lui a demandé de dénicher. Un coucou suisse pour les filles, un carré de soie pour sa femme, du chocolat pour la secrétaire. Le métier de favorite, s'il n'est pas de tout repos, n'a pas que des côtés scabreux. Indépendamment de toute considération morale, Faustine adore acheter des cadeaux. Pour le coup, elle sait désormais où sont les objets convoités. Ce soir, elle fera son rapport au commanditaire. Demain, munie d'espèces carillonnantes, elle viendra chercher le coucou. Sitôt libéré de ses obligations, Maxime remonte à l'hôtel. Il est content, le congrès se passe bien. Il a rencontré des gens intéressants qui pourront peut-être servir plus tard, dit-il, sans dévoiler ses projets pour autant. Le temps de se changer, il embarque sa dulcinée dans le cabriolet à la recherche d'un petit bistrot sympa. Faustine allume une cigarette. Quand celle-ci, vent et vitesse conjuguée, lui échappe et tombe dans son décolleté, la brûlant cruellement, elle comprend enfin le pourquoi des mises en garde contre les dangers du tabac. Maxime a dû s'arrêter sur le bas-côté pour permettre à sa mie de se récupérer. Une fois tout danger écarté, il commente, en se retenant charitablement de rire, « Eh bien, toi, quand tu dis non, ça s'entend. Je ne l'oublierai pas. » Faustine, vexée, range son paquet de clopes. Bien vite, oubliant ses malheurs, elle se laisse charmer par le paysage. Maxime la promène au ralenti par la petite route qui serpente au milieu des terrasses du Lavaux, pendant que l'autoradio diffuse Louis Armstrong et Ella Fitzgerald chantant en duo. « Come the headache, you can lose it in a day. Come a toothache, see your dentist right away. Come love, nothing can be done. » En gros, mal à la tête, ça passera dans la journée. Mal aux dents, vois ton dentiste immédiatement. Mais si l'amour te tombe dessus, t'es foutu. À mi-chemin, il s'arrête devant un restaurant installé à l'ombre des marronniers. Face aux Alpes françaises, il commande une bouteille de Désalée, sans conteste un des crus les plus prestigieux du canton de Vaud. Les filets de perche qu'il déguste ensuite exaucent la dimension paradisiaque de l'instant. Comblés, totalement désinhibés, les amants retournent à l'hôtel terminer la nuit de la plus belle manière qui soit. La deuxième journée se déroule plus ou moins comme la première. Dûment confirmé dans son mandat, Faustine a acheté les présents repérés la veille. Maxime, n'ayant qu'une seule intervention, a terminé tôt. Il a pensé qu'après une petite agape rapide, il pourrait aller visiter la fondation du réarmement moral dont un ami niçois lui a parlé. Celle-ci occupe un vieux palace entièrement rénové dans les hauts de Montreux. On le reconnaît facilement. Walt Disney s'en est inspiré pour son château de Blanche-Neige. Son compagnon raconte à Faustine que le projet de la fondation émane d'un pasteur américain, Frank Buchmann, dans les buts de réunir les élites politiques, économiques et intellectuelles des nations du monde pour favoriser la paix. En 1938, l'objectif était, face à la course aux armements et à la montée des risques de guerre, de rallier les forces positives de tous les pays pour éviter le conflit. Faustine trouve un peu contradictoire, voire maladroit, d'utiliser le terme « armement », fût-il moral, pour prôner la paix. Dans le hall d'entrée, sur un présentoir, Maxime s'empare d'un imposant prospectus. Faustine lit par-dessus son épaule. Après la guerre, 95 familles, toutes conditions confondues, persuadées de l'importance de faciliter la réconciliation en Europe, ont mis leurs épargnes en commun pour sauver le bâtiment de la destruction. C'est de là que partiront plusieurs tentatives de reconstruction d'une Europe unie. D'aucuns y chercheront aussi une plus grande justice à l'échelle internationale. Douce illusion. Faustine est épatée par tous ces efforts visant à sauver le monde. Pour dérisoire que cela paraisse face aux enjeux économiques contraires, elle admire l'engagement de ces humains de bonne volonté. Elle a lu par ailleurs que les groupes d'Oxford, antérieurs au projet de réarmement moral, mais également créés par le pasteur Bourman, ont inspiré en 1935 le mouvement des alcooliques anonymes. C'est leur succès qui est à l'origine de la création des thérapies de groupe par des thérapeutes anglo-saxons. Une forme de thérapie qui pourrait bien être une des inventions sociales les plus importantes du XXe siècle. Dûment renseignés et documentés, nos deux amis rejoignent leur pénate, non sans un petit détour au bord du lac, pour un ou deux ou trois derniers verres. La nuit sera belle. Les soirées qui restent sont consacrées au jazz. Maxime a été informé d'un orchestre, le Old School Band, qui joue dans une cave des environs. Pendant qu'il fait le bœuf, il en profite pour les inviter au Pied Bleu l'automne suivant. Faustine écoute enchantée sa musique préférée en sirotant des longs drinks avec les autres femmes de musiciens. Est-ce que ce sera sa vie un jour? Le séjour se termine. Ce vendredi matin, Maxime effectue une dernière prestation au centre des congrès. C'est donc Faustine qui se colle au bagage. Il faut qu'elle soit prête à midi, repas à emporter compris. Malheureusement, après sa lecture, Maxime doit répondre à de nombreuses questions. Il a une bonne heure de retard quand il rejoint enfin sa douce afin de prendre la route en direction du sud. Officiellement, Maxime est supposé embarquer à Cointrin sur le vol Genève-Nice qui atterrit à 19h50. Inutile de dire que le chemin du retour a été légèrement plus tendu que celui de l'aller. C'est surtout après qu'ils eurent quitté l'autoroute et pendant la descente de la route Napoléon que Faustine a serré les dents pour ne pas dire plus. À la vitesse où Maxime conduisait, elle a craint plusieurs fois pour sa vie. Dans une décapotable, on se sent d'autant plus vulnérable que les ceintures de sécurité sont inexistantes. Pas question non plus de demander un arrêt pipi ou de hurler sa trouille. Elle a la tête qui tourne, mais aussi les larmes aux yeux quand il la largue sur le parking. Sans tendresse superflue, ni démonstration de gratitude, ne pensant qu'à préserver ses fesses. Il n'a même pas suggéré l'éventualité de se revoir. Ou pas.